terminé à la grippe. Et à Boaké? Bon, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Vous voulez dire ça? Vous voulez Oui, oui, c'est quoi? Dans cet temps, on va faire le yoro bé. Moi, je le conseille, les médicaments qui peuvent le soigner. Et bien, c'est que moi, je suis consommateur. Mais quand à la pharmacie, il est consommateur. Toi-même, consommateur. Baisse la pression. Mais moi, je veux savoir quelque chose. Tu l'attendais? Il est venu, il a dit salam alaikum, tu n'as pas répondu. Tu allais même faire un tour, il n'a pas fait attention. Il dit salam alaikum, c'est toi qui le regardais, et puis il a fait son salam alaikum. Non, ma la vérité. Alors, commissaire, nous ne pas faire coïncider. Je regarde, je remarque tout. Je ne vais pas me laisser faire. Masama, sur ce point-là, il a raison. Effectivement, j'ai dit Masama, salam alaikum. Moi, quand je suis en faute, je reconnais. Donc, Kabori, je prends mes excuses. Non, tu as raison. Non. Tu as raison. Watawa Sobin Haka, Kasparo, Watawa Sobin Shabara. Tu as raison. Mais ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est comme ça, c'est bon, on va le prendre comme ça. C'est pas à ce niveau-là, quel est le problème? Tu l'attendais, tu avais un problème. Je te propose le médicament et le poser, il souhaite au moins la chance de dire rien. Wooly Wooly G. Moi, je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est un médicament effervescent. Ah, d'accord. Mais moi, j'ai un palu et la grippe. Mais je sais pas. Guironsan. Mais c'est d'accord, c'est contre la fatigue et tout ça. Bon, il y a d'autres produits qui soignent d'autres problèmes, n'est-ce pas? Donc je prends n'importe quel produit effervescent pour soigner mon mal. C'est que je comprends pas si les gens. C'est-à-dire, toi, ton père a pris ton argent, il t'a mis à l'école, tu sais lire, tu sais écrire, tu travailles. Toi, une petite fille qui ne sait ni lire ni écrire, c'est elle qui vient te proposer un médicament. Médicament, elle te vend ça par photo. Tu vois la photo, quelqu'un à travers sa tête, on dit ça qui guérit mot de tête. Quelqu'un à travers sa bouche, on dit ça qui guérit mot des dents. Quelqu'un à travers son dos, et toi, tu prends ton argent pour payer ça. Aussi simple que ça. Je sais pas, les gens qui paient les médicaments, je sais pas à quoi ils pensent. C'est vrai que c'est moins cher, mais je vous dis, hein, c'est pas parce que moi je travaille dans le médicament, mais je dis, nous on n'a même pas confiance, c'est-à-dire à la molécule même qui écrit sur les papiers là. Quand bien même le médicament il est bon, mais les conditions dans lesquelles on les conserve, c'est pas hygiénique, c'est pas bon. Donc je ne conseille à personne d'aller payer Wuri Wuri Gui chez les filles qui vendent le médicament. Et le coup, ouais, ton baba, tu mets des écoles, moi c'est pas école, Dougouman Kalalo, Anouka Dougouman Kalaka, il est signé, tu connais rien. Tu connais rien. Dougouman Kala. Un canon de Michelin. Inclinez-toi avec ton école là. Tu peux pas te miser. C'est bon. De toute façon, moi, je ne me proclame pas de quelqu'un qui connaît l'islam. Non. Mais le peu que je connais là, ça peut me permettre de prier, de faire mes mérites. Mais, okay, bref. Mais en fait, il faut faire attention. Hein. Voilà. Faites très attention. Willy Willy G. Et il y a plein d'autres médicaments. Oui, Fator, très attention. C'est pas n'importe quoi. Si tu es malade et que tu ne maîtrises pas les contours de ton mal, va. Parce que tu sais, il y a plusieurs maladies qui ont les mêmes signes cliniques que le palu. Mm-hmm. N'est-ce pas? Bien sûr. À leur début. Oui. La fièvre, un certain nombre de choses et tout ça. Mm-hmm. Alors, quand tu as la fièvre, Djekwadjo le bena. Quand tu as la fièvre, Soumaya le bena. Alors que c'est pas évident. Ça peut être même une infection. T'as dit qui t'entraîne. Je veux dire, voilà la fièvre et autre chose et tout ça. Donc, il faut faire très attention. Bref, en tout cas... Je venais franchement vous dire, moi je vais peut-être pas rester longtemps avec vous aujourd'hui. Ah bon? Je t'ai appelé tout le temps, tu n'as pas décroché. Non. En fait, le problème, j'ai pas décroché parce que tu sais qu'actuellement, il y a le départ des pèlerins et tout ça, nos histoires de passeport, nos histoires de nos sacs, les voyages et tout. Donc ça traîne. On est stressé. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu un coup de fil aujourd'hui du commissariat du Hajj qui dit que mon voyage pour le Hajj est prévu pour demain. Inch'Allah, cette année, je vais aller encore au Hajj. Dieu m'a fait la grâce. Après l'année dernière. Mais tu as caché cette nouvelle là? Oui. Parce que j'avais les derniers détails qui n'étaient pas encore réglés. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Cette année, je vais aller au Hajj. Il va au Hajj encore. Alhamdulillah, Mokhtar. Ah, vraiment, félicitations. Merci beaucoup, Hajj. Vraiment, Allah, qui t'a renseigné. Alhamdulillah, vraiment. Que ce soit Kabouré, que ce soit Kora Abou, que ce soit tout le monde, je demande des prières pour chacun. Allez, moi, je s'en va. Kabouré, moi, je viens te voir. Il y a Fama. Tout ce que je t'ai fait. Quand la Sema, je dis, je s'en va. Il t'a craché ma. Ne parle de Nakhet Doriyama. Si la communauté a décidé d'humilier ses leaders, wallahi, mais oui, Kalonteka. C'est parce que vous ne voulez pas laisser pour remarquer les choses. Mais des doyens, ça c'est le. Là, là. C'est le foutaise. Le comportement doyamatoire. Taboré, quel est ton problème? Mokta va à la mer, quel est le problème, Taboré? Ah, toi, tu vois pas le problème. Ah non, mais non, écoute, faut pas. Tu vois pas, Emma Loko, si la maïa peut d'arriver là, quand t'as longolo. Mais tu redis, explique-moi. Si la maïa peut pas nous connaître, chaque jour, si la maïa peut tourner là, quand t'as. Et puis avec Signe, vous chantez aussi, personne ne parle. Il va au Hajj cette année. En quoi ça crée un problème dans l'islam? En tout cas, il est le seul musulman au Côte d'Ivoire avec les Sinamaïwa. C'est lui seul qui est musulman dans les communautés. Alors, la première fois, il est parti à la Mecque. Il a humilié la communauté là-bas. Il a humilié l'islam là-bas. Il a humilié les maisons de la source de l'Allah là-bas. C'est ma colonne d'Afrani. Parce que Mouna a ma corolle, a ma dafa. Parce que Mouna a ma fouille. Et puis, à ma voix, il est revenu. Et cette année encore, vous prenez cette risque car la terre m'a tourné. Non, comme tu n'y a pas d'autre midi, c'est pas quelqu'un qui veut partir à la Mecque. À nous, t'es mais Kabore, si tu as envie de partir à la Mecque, il a dit, tu prends ton argent, tu vas au trésor, tu dois payer et tout. Depuis, je parle, ma cime. Mais pourquoi tu veux m'a donné ce billet? Je parle avec mon car. On m'a donné le billet, je suis allé payer mon billet au trésor pour aller à. Je m'en fous de ça. Vous êtes mauvais, allez vous petit, ne vous foutez de là. Voilà la canasta, voilà tamo tuna, il a un tout musulmane. Oui, vraiment, oui. Kabore, je suis d'accord avec toi. Mais ce verset là s'adresse plus à toi qu'à tout le monde. Jamais. Toi, il est nyangoli. Nyango. Ah. Mais comment tu peux être aussi envieux? C'est-à-dire quand quelqu'un a un bonheur, c'est toi qui es malheureux. Mais Kabore, mon cas va à la Mecque, même s'il va 10 fois, et toi tu n'es pas encore parti, mais attends que Allah décrète ton départ. Mais de ta vague, tu vas soutenir ça. C'est comme ça maintenant les imams deviennent pour partir. Obéissez la main, c'est la lumbe kata. Toi tu es assis là. Et quand tu as pris l'argent, kata, je dis que, ou que je sais pas, je peux pas appeler ça le prix, kata, je t'ai mis. Et maintenant, Américois. Tu ne peux pas prendre cet argent pour me donner un bête à ma cas, et mon cas. Oui, quand il est parti l'année passée. À quel âge il est comment? Ça ne suffit pas. Mais aucun bâou la quoi, ça veut dire quoi? Ah, bâou la quoi, l'aïdi, à ma couleur d'ici, il connaît rien, sous la télé bœuf, il connaît pas. Allez, là, même ça, les clics qui tabou, faut qu'à ta là-bas, attends, sous la télé bœuf. Moi, même ma cala, vous prenez ça pour partir à la mec. Et puis, ben, finir. Aïe, la mec, vous n'avez qu'à écouter, aïe, ne t'a pas mon frère dans le ne t'a pas dans le au niveau de la bouche. Je te fais quoi? Un bébé fois la banque. Je te fais quoi? Ça, je vais arrêter ça. Un bébé là, l'eau. Aïe, n'est-ce pas? Aïe, maman, on va vous le couvrir. Qu'on sache qu'on est. Qu'on va au cas où on a sache la tout. C'est nous, ils attaquent. On va faire ça. C'est le cabot. Quand nous, les caramels, on s'élève, on va au salakabo. On va mine dans ma. C'est qu'on nous donne les pâtes, les bœufs, les viandes là. On va avoir la sache là. On va vous le couvrir. Amatino, on ne voulait la calonne, c'est qu'à. On l'a un cafon. On connaît le taïwanais. On y a le combat trop là. Ah oui, le calo. Non, non, non. Ni le tour à calouala. Mouro bezigre là. Un bezigre là. Mouro tezigre là. Un bezigre là. Ça c'est quoi, Talami? Ça c'est quoi, Talami? A te taïwanais. Kurana. Moukhtatani. A te taïwanais. Yantani. C'est fini. J'ai dit. Kabore. Kabore. Ouais. Il est talaï. Ah, vite, allez. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'as jamais dit que c'est Dieu. Et puis, en plus. Tu vois, reste tranquille. Je suis tranquille. Tu es en train toujours de crier que oui, je suis intellectuel. Non, on est rapproché de Dieu. Mais tu ne... Donc, ça là, le fait que Mokhtar parte à la Mecque là, c'est la volonté d'Allah. Il est toi, tu t'opposes à ce que Allah a décidé. Allah, c'est ça là. Non, Kabore, moi je te respecte à partir de maintenant. Allah a décidé que Mokhtar reparte à la Mecque. Toi, Kabore, tu dis non. Ce que Allah a décidé là, toi, ça ne t'arrange pas. Toi, mais c'est grave. Ah, grave, il y a le bon ami. Sous-son grave là. C'est plein parce qu'il n'a pas fait le hack. Mais je te dis quelque chose, Kabore. Oui. Si tu es un vrai rapproché d'Allah, oui. Parle à Allah, il va te répondre. Il s'appelle Allah Longolo. Ah. Et puis voilà, il m'a pas fini. A tout le donné, ni qu'on m'a dit, ni me bosser le maïla. C'est pas, non, mais bosser le maïla, péo. Non. D'abord, vous devez savoir que ne te tourne là. Parce qu'en direct, quand je s'amuse avec vous, me commandant pas qu'elle vous pensez que ça c'est la dernière fois. Mais Kabore, mais bon, c'est le maïa. Ça va, il bosse le maïa là, 600. Hey, sors de l'islam. C'est bon. Non, je ne parle pas. J'ai dit Kabore. Mais Kabore. Masaba, j'ai dit oui. Mais Kabore, tu racontes ta vie, sors de l'islam. D'abord. Hey, on n'aura même pas senti qu'il y a une fourmi qui est sortie de quelque part. Ah non, un fourmi. Wallahi. Allez, tu me conseilles. Mais des conneries comme ça. Ah, mais ce n'est pas toi qui as dit que tu as quitté l'islam. Sors. Kabore, ouais. Moi je dis, malgré tout ce que tu as contre moi, moi je te dis en toute honnêteté, moi je n'ai rien contre toi. Mais je te prie de me dire. Parce que tu ne fais rien contre moi, je ne cherche rien. Je ne cherche rien. Je n'ai pas de personne. Ni de moi, ni de ta famille. Il est comboué. Il est. Moi, tu me retiens. Mais n'est tellement bon qu'il est papa. Testina Mortigné, Testina Bintesina Tini, qui est la radio, qui est l'imamou, Aflape, Akafaranyonka, Testina. Vous voulez me faire quoi? Mais Kabore, je n'ai pas peur de vous. Mais c'est toi qui es paniqué. Nous, on a quoi à voir avec toi? Il a mangé ma garba. Toujours quand il vient là, avec chacun mes nampés. Avec chacun une dôme. Après, on va retirer. Quand je le vois là, je l'ai taboré. C'est quoi ma aime l'argent là? Après, pour nous, il y a non, mais là, je m'ouvre d'eau. Je t'en vais là-bas, il y a quelqu'un qui m'a donné l'argent. Si il m'a donné l'argent là, je vais venir m'a donner pour toi. Il est là, il m'a tourné seulement. Je rentre ici, je sors ici. Donc, je la cherche un peu partout. Ni ça là, mais tirer là. Non, les mamans, y aurait. Quand il est en train de payer taïa là, elle est bien vocavouri. Pour ne pas que je vais l'attraper. Hein? Bah, à toi là, j'ai attrapé les renseignements jusqu'à on m'a brûlé qu'il est en grès ici. Donc, nana, on t'a. Il n'a qu'à te laisser. Il n'a pas dit salam alaykoum, toi tu te lèves, tu sors de la mosquée. Mais la vie, il a vu son grincier. Non, mais Mokhtar, c'est trop grave. Oui, c'est pas trop grave. Allez, tu dois quelqu'un, même le jour, si tu sais que quelqu'un te doit là-bas, faut pas. Et quel est ton missile là? Le jour là, il m'a sifflé derrière. On y a la cassé là, il y a la djanfa. Tu as dit quoi? Tu sais que j'étais toi, et puis tu viens, il rentre dans la mosquée. S'il vous plaît, Masaba, quel que soit ce qui va se passer, ici au Grand Somme, une famille, quelqu'un peut pas quitter ailleurs, quelle que soit la grande voilà. Terre là qu'il a posé, tu peux pas venir le frapper ici? Non, bon, là, je suis d'accord avec toi. Ça. Mais c'est pas le droit. Attends, tu n'as pas le droit de quitter chez toi et venir le frapper ici. Il a donné la garde à combien? Nous, on est solidaires ici. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Avec Orange Money, votre inscription dans les lycées et collèges devient encore plus facile. Lycéens et collégiens, inscrivez-vous sans vous déplacer en composant depuis votre mobile le dièse 144 étoile 13 dièse. C'est simple, c'est rapide et sûr. Orange. Il s'appelle comment? Oui, malade. Malin. Oui. Malin, calme-toi. Kabore. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, regarde ici là, elle s'est pas blessée. Je l'étais pas. Faut venir moi, je vais regarder pour toi. Jerry, Kabore, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Ambeyur Minani, Ambeyur Sinamaï. Le Coran dit que Anfiku, Mimarazak, Nakou, Kabou, Kabou, Dakado, la papa. Faut y avoir la Bible là où la Akaritani, il a Adjalin Kariba. Faut à Sadaka ou Ankou Minan Swalihin. Ou l'un Akra, la Nafsan, Izaja, Adjaluha. Ou l'un Kabirin, Vimata Amalouna. C'est la Kalahou Azim. Alors, il a dit ça. Faut rien là-bas. Oui, Manoli. Kala, Kala Kadi. Alors, le Kadi. Wahia min bene ko te ko mo ajuru mi tanga mo le ma. C'est ça je t'explique là. Le connaissance que j'ai. Connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Allah ka connaissance minta ka bala kalam ka. Kalam ko roni kelenita ka ta bala la wal mahfouz la. Allah la wal mahfouz fara au kota ka di malaka Jibril. Jibril fara kota ka ta di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. النبي الأمي الكاتب النبي ياما لا سكر أبوي سون كريدي سكر أبوي سون كريدي مو أبوي سون كريدي تا أبوي سون كريدي دنيا سبيكي سكر أبوي لا expliqué son problème oui tu as mangé tu n'as pas payé tu n'as pas payé c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est pas trois fois c'est pas quatre fois c'est même pas cinq fois qu'est-ce qui s'est passé y a quoi tu ne parles quel est le problème c'est ça qui se tente de vous expliquer on ne parle pas de ça on ne quelle abouya on ne quelle kankabouya Europe est tout ma paix إن الله ما الشابلون أي دبور أي شابلي إن الله ما يريد الله فلا بك كم كتاي الله كان يكلوني كلاي أجل على يعني بام أنا ما لوني كلا بويا أما على كلا بويا نعم على كلا بويا أما لا والله فوز بويا نعم لا والله فوز بويا أما الكلام بويا نعم الكلام بويا أما الله سبحانه وتعالى المالك القدوس الجبار جد زال والإكرام كل هو الله أحد مساء أمو بويا مساء لا فرا مو بويا في نار جهنم أنا كبري أنا بدو جهنم مساء أنا كبري مساء كبري مساء jusque là là tu nous fais tourner où il a expliqué quelque chose toi tu dis quoi bien nana aya lu kono quelqu'un qui vient de vous avec le mot bougola vous pouvez pas vous mettre en solidarité kagwe kaboy vous pouvez pas attiser kaboy non mais si nous on l'avait laissé il a je sais pas si on l'avait laissé mais si lui on l'a mais toi tu es ingrat hein Saboré oui comme il a dit tout ça là à cause de Dieu à cause de Rasoul donc on a compris on va vous laisser vous deux non vous allez régler votre problème non voilà c'est tout faut laisser avec moi pas pas arrête faut laisser pas pas moi avec lui on va te expliquer on va brûler amena kuma ani nyoko je je ni je mais il est manque il était beau vrai toi tu n'es plus beau hein il a voulu boire ni moi de bien pampa qu'il est chez sera moyen toi tu n'as pas dit ça tout de suite à caler les pots il va vite sera moyen il te sera chenet sera voilà ton ami garçon qui est venu. Masama, moi j'ai dit, Masama, on a qu'à faire aujourd'hui à fond. Et puis c'est ça, il faut qu'à faire à cause de Dieu, hein. On a qu'à laisser. Mounafrique, il met l'huile dans le feu. Et puis il veut partir à la Maka. Maka, nous, Maka, que ta Maka. Mouron, tu me disais qu'à Mouron Soutra. Hein? Mouron, tu me disais qu'à Armadeo, qu'à la Tigou, qu'on l'a fait pour les réconciliations. Vraiment, moi, je vais vous demander pardon. Bah, j'ai abaki Allah kuso akira kuso. Nana kilimi ketita abe yapama. Ni kumabdo volandala amai abe yapama. Si j'appelle sorti le enzi qui tombe pas vous, vous en avez pas pardonné. Parce que monsieur là, il a trop chauffé ma kire. Bon, quand c'est comme ça là, il est capturé mi poka. Que d'abord il y a que rentrer sorti ici là mais faut payer mais l'argent c'est tout c'est pas fini c'est tout bah quand c'est comme ça là tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer là faut demander pour d'autres c'est pas fini c'est la manière ma faut quoi on tout travail mais est-ce qu'il est cané tout travail ah toi dis actuellement est-ce que j'ai dit que je veux pas payer bon tu n'as jamais dit ça mala mala faut l'attraper non faut l'attraper non laisse tomber Mais ça fait combien? Faut pas laisser. Ça fait 20 000. 20 000 de garba tu as mangé. Oui. Attends quand même. Mon frère, réglez votre problème. 20 000 de garba. 20 000 de garba. Hein? C'est pas grave. Bah, attends, Kaouri. Hein? Madame, prépare pas à la maison. Je veux savoir. Quand il vient là. Quand il vient là. Quand je suis pas là là. Mon affranti là, il prend à chiquer avec lui. Bon, selon moi-même là, c'est que l'argent qui est avec lui là, c'est 10 000 francs. Déjà quand je ne suis pas là, là, quand je s'en vais prier à la mosquée là, lui il vient prendre à chiquer avec il n'a pas là encore, il ne donne pas l'argent. À toi, Boris, hein? Bon, il t'a dit, hein? Il t'a tout expliqué. Voilà, il était apprenti à quoi? Je n'ai qu'à l'associer. Non, Abina, regarde, il faut te. À cause de toi, tu as brûlé que je n'ai qu'à l'associer lui. Mais, oui, crédit là. Faut payer crédit de monsieur, si tu payes pas, c'est là. Non, c'est bon. Kamoré, en plus, son apprenti là, ça ne te regarde pas. Mais tu lui dois, il faut payer. Alaji, comme un bénécane, tu fais comme si tu ne vois pas. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire que le seul problème majeur qui est dans moi, oui, il dit la couille. C'est ça qui j'étais en disant. Tu ne peux même pas battre au Hajj tant qu'il y a crédit sur toi. Qui a dit ça? Masama, quelle est la position de l'islam? Qui a dit ça? Va la Mecque, attends, quand va la Mecque par rapport au crédit, quelle est la position de l'islam? C'est le Hajj de Tanga Yadja Kouya, le Bekka. On est le Bibou le Kakatari. Au crédit, comment faut-on le faire? À quel âge c'est le maillot d'accident? Dieu n'a pas parlé de crédit quelque part culpabilité au Hajj. Alors, cook, diagonal. Mais parce que moi, j'ai des amis qui ne veulent pas aller au Hajj parce qu'ils disent ils doivent à des gens, ils doivent à la banque, ils ont contracté des dettes par-ci par-là. Donc, ils ne peuvent pas partir à la Mecque. Non, ils ont crédit sur eux. C'est que ce ne sont pas des enfoirés. Qu'en est-il exactement? Ils n'ont pas la foi. C'est quelquefois des histoires. C'est quelquefois des histoires. Parce que c'est un problème. Parce qu'effectivement, en temps normal, effectivement, il faut, avant de partir au Hajj, il faut rembourser ses dettes, etc. Mais au moment où les cafés sont allés à l'aïwa. Tu vas me laisser parler. Bon, non, je ne peux pas te laisser. Eh bien, c'est le mal. Mais pourquoi tu ne vas pas le laisser parler? Non, avec quoi il faut aller? Lui, il est imam. Est-ce que l'on même va aller là? Est-ce que toi, tu es la moitié de ça? Non. Oui, tu as quel problème? Mon vrai. Oui. Tous les jours, il faut venir au Grèce. Non. Eh, Tavore, il faut permettre ton bout. Lui, que tu as attendu ton bout là. Tu peux bien. Il a dit, faut parler. Comment pour? Tu n'es plus beau, et tu es beau et tout. Mais Kabore, nous on ne témoignait pas au grain ici. Hein. Je ne savais pas que tu avais un calvaire. Il va le frapper même. Il va le frapper. Non, Mokhtar. Moi je pensais, il faut le frapper même. On va pas en arriver là quand même. Tu parles pas. On va en arriver à là-bas. Si il t'a pas laissé parler là, je vais taper son bout là. Et puis, tu vas voir. Faut parler encore. Il a posé une question qui est très très importante. Les gens ont envie de savoir si tu écoutes là. Parce qu'il y a les gens là, Obé Mugota Warita, Ote Pekasara. Tu connais El Hadji Boudashi? Non. Lui, il est parti prendre l'argent. Il est parti prendre crédit. Il est parti au mec. Est-ce que ça là, c'est la Maya Kapoa? Ah, Katar. Bon, il dit de t'éteindre. Tu ne tiens pas la Bidakari. Tu voulais parler? Oui. Vas-y. Ah, mais tu voulais parler? Il y a des mercenaires ici qui me taquent. Ni quand il y a quoi avec Daki? Non. C'est l'imam qui a brûlé, toi, Anaka, il veut Kuma pour, donc on t'écoute. Mais l'imam Kuma n'y a pas pour, il veut un loco, tchèbe, tchèkibi. Ah, tu vois, tout ça, là, c'est le rapport direct avec son crédit là. Tchèque, parce que j'ai demandé toi, tchèque. Si tu sors quelque chose de le bouge, c'est pour que les gens sachent qu'il était toi. Au fond, on m'en faudrait. On l'a, on m'en faut. Aïe, si l'on a l'agne, il t'a coulé. Hakka tu katihi. Awala tamo tuna ila wa antu musulmi. Ile bisala la nye. Epe alaji masama. Tiye en ulama. Zeti en ulama. Ale sikini mbe yola minani. Le die. Confiulu. Toi et moi là. Wa itati mubi hamdillahi. Qui est tête noire? Wala ta fwale la kou. Qui est tête noire? Mwaka mounu makala. Jone le kumpiye. Alou fila makala. Kata yola jen. Bebi di, hey. Kurami. Amina kadaka. Allahu akbar. Anko. Mwoko. Mankanka julu sara. Il ne doit pas payer le crédit. Kasur kata maka. Pourquoi? Parce que à quel compte tu es en train de dire que c'est que tu donnes l'argent là. Ils sont mieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi, mais je comprends pas. C'est prendre l'argent que tu as là. Mm-hmm. C'est qu'il y a priorité, c'est Allah. Mm-hmm. Et bon, voilà, Allah quoi là. Tu vois, tu prends ton vol, tu vas au Mac. Ni Allah dit qu'on a. Ni Allah qu'on a dit, maintenant tu veux rembourser le crédit. C'est-à-dire que Allah le kanka. Dieu doit être au devant de tout. Mon man kanka, si la arme dégne. Hein? Et puis, oublier Allah. Et Kabore. La tout le kum. أموالكم ولا أولادكم أن ذكر الله. ألاك ومن يفعل ذلك فأولئك هم الكافرون. أبيبنا لا. كم من إنك ولدت ولما نفرو ولما دعو تكافس يا الله. الله هو كبالو. أكو من يفعل ذلك مهم نبوة ثم ذلك سبحانه لذلك في كم تلا فأولئك هم الكافرون. أبيبنا في نار الجحيم. أبيت وائلون كنوا. C'est dangereux. Le petit truc que tu as pris là qui est dangereux. C'est qui est en train de parler là? Il a gagné un régime. Les gens qui connaissent un peu là. Vous allez nous jeter en brousse. Mais je peux parler maintenant. Je parle verset de Armas. Je peux parler maintenant. Vous savez, l'histoire de la dette pour aller au Hajj, ça dépend. Quelqu'un peut être en général on parle de ses moyens mais le Hajj là il n'est obligatoire que quand on a les moyens et voilà pourquoi Allah dit manistata'a ilayhi sabila. Ok, ça veut dire pour quiconque en a les moyens. Ok, donc ça il faut le retenir. Et aller s'endetter pour aller au Hajj, est-ce que c'est faisable ou pas? Il faut considérer deux situations essentielles. Quelqu'un peut être indigent, c'est-à-dire n'a pas les moyens. C'est un pauvre. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière en termes d'économie. Ok? Et s'il prend la dette, rien ne garantit qu'il va pouvoir payer. Celui-là ne peut pas s'endetter pour aller au Hajj. D'accord. Et par contre, un entrepreneur, un grand homme d'affaires, a réalisé quelque chose, ok, il a des millions, quelque part qui n'arrive pas à toucher maintenant. Ok, mais la période de Hajj là, elle ne s'étend pas à l'infini dans l'année. Ok, alors elle tient sur une petite période. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux t'endetter parce que tu as de l'argent quelque part. Ok, comme la situation n'est pas débloquée, voilà, comme la situation n'est pas encore débloquée pour que tu aies ton argent, non, tu peux aller, tu reviens, tu payes. Ok, d'accord. Donc voici ça. Par ailleurs, tu as parlé de tes amis qui disent ils doivent à la banque, ils doivent à des gens, ils sont pas prêts pour aller à la Mecque, voilà. Moutard, je te dis une chose, souvent ceux-là sont des frimeurs. Quand je dis qu'ils sont des frimeurs, ça dit dans le fond là, peut-être c'est devenu les nouveaux arguments pour ne pas aller au Hajj. Mais ce même gars là, il a déjà peut-être fait partie de sa maman, il a fait partie de son oncle, il a fait partie de sa tante. Quand ça arrive à son tour, il estime que lui il doit. Ce sont des histoires. Ok, mais il faut que les gens aient, je veux dire, qu'ils apprennent à craindre Allah et qu'ils comprennent que Allah nous dit, et ça j'aime très bien rappeler ce passage du Saint-Coran, ba'da'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Il faut permettre ton doute. Mais il est en train de prier. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Quand il est nam septième pour le Coran al-Karim, al mankam tanzilihi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maintenant, c'est que tu as brûlé là. Est-ce que tu peux nous trahir ça? Dis son qui est confié et puis ben n'engale qui en a été. Il veut l'on est son. Dobé. Attends. N'engale mais un kaké. Olé kaké confié quoi. Ah mais il dit quoi le tête? Tu vas pas demander? Mais tu as brûlé à Moré non? Non, à Arabe. C'est moi qui ai brûlé Arabe tout de suite et puis j'ai brûlé Aoussa là. Est-ce que toi tu vas comprendre ce que j'ai brûlé? C'est ce que j'ai dit. Ça c'est le Samal pas Aoussa avec Arabe. Hein? Le Samal pas. Le Kouréchit avec le Moré, c'est le cousin. Et n'engale quoi? N'engale tout là. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وما علم ما دانك علم دون دان ani jinaw jinaw ibe ite fe mu njela ni c'est ça qui tout ça c'est jina ali jina kwamo il n'a pas fabriqué les dé que pour le pilier le doré c'est que doré là ni c'est quelqu'un qui dort Allah hein abe Allah bonya abe Quran bonya abe Allah ki rasulullah alayhi wa sallam bonya atigle mo han même si tu incarne le doigt. Il ne doit pas les inquiéter. Ama kaka toujours en bougon. Ama kaka toujours Maria Jamak. C'est quel passage? En fait, tu sais aussi, il y a ce genre de situation-là qui interviennent. Quelqu'un peut être indigent. Il faut parler français que les gens comprennent. Mais Mokhtar, moi, c'est français que je comprends. Quand tu dis un indigent, c'est quoi? Mokhtar. Un indigent? Oui. Indigent, Mokhtar Bimba, pour que allez te voir. C'est qu'il a la personne qui parle. Indigent, c'est-à-dire, il parle. C'est pas ça. Tu as vu, non? Tout le monde. C'est-à-dire, lui, il parle de quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui est pauvre. Mais il n'a qu'à brûler que quelqu'un qui a faux. C'est tout. Bon, imam, c'est ça aussi là. Votre problème là, c'est ça. Quand quelqu'un vient comme ça, vous venez à toi ici là, il faut brûler les parentés tir à tir. Là, comme ça, on va comprendre. Bien sûr. Mais si tu as levé le haut du niveau des parentés là, ça devient à couper le bas pour nous, ça devient compliqué pour nous. Donc, il faut brûler les parentés en bas, on va comprendre un peu, un peu. Sinon, tu as brûlé un bilan. Bon, ça là, tu sais que c'est un peu compliqué. Merci, pour Mala. Nous. Merci, Mala. Oui, Massama, réponds maintenant à la question. Tu as demandé quoi? S'il te plaît, Il a dit, Vatamba, est-ce qu'il a brûlé Sabouri? C'est les questions islamiques. Mais est-ce que les questions là, je disais, quelqu'un qui veut partir quelqu'un d'autre à la Mecque. Par exemple, j'ai une tante qui est au village, je lui donne un billet ou je lui achète un billet pour qu'elle parte à la Mecque. Est-ce que je suis obligé de payer ses dettes? الحمد لله الذي خلقنا نهل الإنس ولم يتركنا حملا وهو مستحق الحق والحمد والبركة وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه C'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris la réponse, c'est bon, c'est bon. J'ai compris la réponse, c'est bon. Bon, j'ai compris la réponse. Quand vous venez, vous pouvez poser une question. Vous voyez, non. Je peux pas répondre à la question comme ça. J'ai compris. Quand j'ai brûlé, Quand tu connais pas quelque chose, faut pas forcer. Faut pas faire semblant. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Mais est-ce que c'était pas il faut le demander. Si, parce que cette fois-ci, c'est la dernière fois. C'est pas parce que j'ai pas les que après la signe de bien ma caïnée. Hankali, il est là, Hankali. Hein? Moi, Hankali. Bon, hein? Écoutez. Non, attends, écoutez. Faut pas m'attraper. Non, moi, Hankali. Vraiment, tout ne se règle pas aussi par la force. Mais c'est qu'il est en train de faire. Il y a des gens, les problèmes ne sont pas la force. Non, mais moi, je pense que nous, ici, dans notre grain, là, on n'est pas des barbares. Donc, on va doucement. Maladamo. On n'est pas barbares. Quand tu es venu, tu as expliqué ton problème, on a compris. Maintenant, je vais voir avec Mokhtar comment on va régler. Régler quoi? Moi, payer crédit et caboulé. Mais ça fait quoi, mon? Même s'il a un verse derrière moi, il n'y a pas payé ça. Jamais. Mokhtar. Subhanallah. Il ne paye pas. Il ne paye pas son crédit. Tu ne donnes pas l'argent de moi. Pourquoi tu payes son crédit? Tu ne donnes pas l'argent de moi. C'est lui qui travaille pour moi. D'accord, on va revenir là-dessus. Tu ne donnes pas l'argent de moi. Moi. Toi, tu vas prendre crédit pour moi, il paye ça. Moi, bon, et ça moi-même. Mala, à quel âge il y en a? Et dis, il ne paye pas ton argent. Mais est-ce que. Est-ce que lui, là? Est-ce que c'est lui qui va me donner l'argent? Non, est-ce que. Allez, arrête, Bounia. Mais est-ce que c'est lui qui a porté manger ma garba là-bas? Mais il faut payer. Il a l'argent pour payer. Et on dit, il bon, n'a qu'à payer. Il faut laisser pour toi, là. Moi-même, j'ai un bon deal. Le Hadji Batamba. Moi-même, j'étais venu pour te voir, quoi. Mais comme j'avais saboré, là, à cause de ça. Tu sais, aujourd'hui, là. Affaire de mec là, c'est devenu vraiment compliqué. Et puis en cas loco, warite mogope. Les gens ils n'ont pas l'argent, tu vois non. Donc tous les fédérés là, tous ceux qui n'ont pas gagné les moyens pour partir à la Mecque là, alhamdulillah. Parce que quand tu regardes le Niger, quand tu vas quitter Al-Gadej, tu vas partir à Difa, tu vas partir à Dosso, tu vas partir à Zender. Toutes ces villes là, ça ressemble à les villes de la Mecque. Moi, mal à Adamo où j'étais là, alhamdulillah Allah. Moi j'ai plus de problèmes. Affaire de mec là. Ne quand vous revoyez là. Parce qu'à la même, il a brûlé quoi. A'ouj billah, il a cheté le régime. Billah, il répond le rahim. Continue quoi. Allah, il a brûlé quoi. Et d'ailleurs, il y a eu les gens qui ont dit, Koutiba alaykou tiyem, Kema koutiba les gens qui ont dit, Kavlikoum, L'allekoun tchatakoun. Il a brûlé quoi. Il dit, vous n'avez pas gagné le poids là. Vous, tous les musulmans, vous n'avez pas gagné le poids. Tout ce que tu veux payer là, pour associer le poids. Ça veut dire quoi. Donc nous, on a choisi notre coin, ou Al-Gadej là-bas. En cas vous d'or comme Al-Kaba, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, sans ça, on fera l'argent avec un peu d'argent, avec les gens. Maintenant, ils ne savent pas faire le pèlerinage là-bas. Il n'y a pas de problème. Ne à quel âge, si tu n'as pas les moyens pour partir à la Mecque là, tu viens m'avoir, on va partir chez El Hadji Amma. Il y a El Hadji Garba Lwanji qui est là. Lui, il est commissaire de Hajj au Niger là-bas, à Al-Gadej. On peut partir ensemble. Donc, je suis venu pour parler avec vous. Ça, c'est un bon deal. Aujourd'hui là, si on fera l'argent avec les gens en pied là, tu peux gagner 300 000 francs, tu peux gagner 500 000 francs, ça dépend. Tu vois, non, si tu envoies beaucoup de clients, ton argent aussi va augmenter. Il dit qu'il y a un espace là-bas au Niger. Voilà. Il y a un certain nombre de villes là, voilà, qui sont pratiquement des correspondantes de Médine, de Mina, de Arafat, etc. Donc, bon, comme il n'y a pas assez d'argent pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, tout le monde n'a pas les moyens, donc lui propose ce deal là. Ils ont construit une Kaaba. On a compris. Ils ont construit une Kaaba. Tu te rappelles, avec Kaboura, c'est fini, non? Faut quitter le grain là. Pourquoi? C'est fini. Votre affaire de crédit, vous avez fini. C'est à quoi déjà tu es venu sinon? Inquiète pas. Kaboura, tes doigts. Mais là, il faut. Je suis venu ici pour parler avec vous là, c'est mauvais. Non, mais attends, tu es de grain ici. Tu es venu ici. Il est de grain. Tu es venu ici par circonstance. Kaboura a pris crédit. Attends, tu as parlé quoi? Il est venu ici par circonstance. Qui a gagné nouveau-né ici? Voilà. Moi, qui a parlé d'avoir un nouveau-né? Ah, t'as parlé ça? Mais tu as parlé de fréquencier, non? Subhanallah. Il a parlé dans le langage que tu comprends. Tu es venu ici là. Oui. C'est à cause de ton problème avec Kabore, tu es venu, non? Oui. Ok. Le problème est résolu. Oui. Faut battre. Non. Attends. Non, si on a bon colonie, si vous acceptez les bon colonies, alias à Katafalasson, il faut accepter aussi son goder. Afla bébé taille, on fait. Vous êtes de mal, qu'il n'a qu'à venir, on est ici. Il est venu avec un membre de Grec, faut te soir. Mais je te soutiens. Il y a un dit, il faut le parler, voilà les deux ici. Où est-ce que vous ne pouvez pas te faire le mal. Mais la question n'a pas été répondue. Je vais répondre à ta question rapidement. Mais comme il vient de poser ça rapidement, on finit avec. Maladamou, le Hajj là. Il se fait en un lieu, un seul lieu précis, et il se fait aussi en un seul temps précis. Voilà. Quel que soit le caractère sacré que toi tu puisses donner à un endroit, le Hajj, il débute à Makkah, il se termine à Mina. Bien entendu, en passant par Arafat, Muzdalifa. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, bon, Médine, ça c'est pour la ziyara au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de Hajj, ok? Donc, si c'est pas à ces endroits-là, nulle part le Hajj peut se faire. Mais c'est vrai, donc, les voyages qu'on voit, mais les gens vont au Maroc, les gens vont aussi, c'est pas des Hajj aussi. Hein. Ce ne sont pas des pèlerinages. Ah, d'accord. En islam, ça c'est des ziyara. Mais d'accord. En islam, il n'y a qu'un seul Hajj. Un seul lieu où on fait le Hajj? Il n'y a qu'un seul Hajj, Mokhtar. D'accord, ok. Voilà, ça veut tout dire. Hein? Inch'Allah. Voilà, en islam, il n'y a qu'un seul Hajj. Maintenant, à propos de la question, est-ce que quand quelqu'un fait partie d'une autre personne au Hajj, cette dernière a oublié de payer les dettes? Non. Non, souvent il y a des appels de Allah qui interviennent comme ça. Voilà, il se manifeste en quelqu'un qui décide donc de faire partie de quelqu'un que lui Allah a appelé. Bon, il le fait partie. Oui, mais s'il revient, dit que je ne peux pas partir parce que je dois aux gens. Bon, tu sais, souvent il y a des informations, souvent quand on les a, on s'arc-boute là-dessus sans tenir compte d'un certain nombre de facteurs, soit en termes de circonstances atténuantes, etc. Non. Si tu pars de ton foot. Bon, faut reprendre ça là. C'est que tu viens de parler en anglais là pour parler en français. Non, c'est français. Tu as dit ça. C'est pas français. C'est déjà dit quoi? Que les sarcboutes et puis tu as dit les circonstances quoi? Non, c'est pas les circonstances atténuantes. Mais parce que tu sais en fait. Toi, c'est pas les français que les gens comprennent. Ah non, parce que non, moi je passe. Non, non, non. Je vais pas dire de ticket dans cette merde. Le message de là. Je parle le français. Je parle ce que je comprends. C'est comme rêve de soumier. Tu peux pas expliquer. Tu parles des gens qui n'entendent pas ce que tu dis. Mais c'est toi qui as posé la question. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu parles des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis. D'accord. Ils ne comprennent pas les choses. Oh, moi je le et puis moi. Quand je parle le dialecte pour les ici, et pour que vous compreniez. Ok, non, mais on y va. C'est que il est en train de brûler là. Moi je suis d'accord avec lui. Moi je n'ai pas brûlé. Mais nous on travaille avec les forains. Moi j'ai regardé dans un passage de forains. Alors il a brûlé quoi? Il dit, il a peint la terre là. Toute la terre là. C'est El Hadji Kuntieme qui a brûlé ça. Il dit toute la terre là. Allez qu'à quel mitiri qui a dit en veut tout la génima. Mais pourquoi vous pouvez dire que non, le féréninage là, c'est un lieu précis. Ça va te payer seulement qu'à la Mecque. Et ça doit se poster à la Mecque. Moi je pense que Non, moi je peux pas être d'accord avec ça parce que là, si tu as vu qu'on a choisi Al-Gadej, et puis d'ailleurs même là, El Hadji Tamatamapid, lui il a fait quoi? Il a tiré les mains de El Hadji, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire quoi? J'irai quand on s'en va payer au Mardin là. Parce que El Hadji aussi son corps là, c'est enterré là-bas. Donc nous aussi, ça se repose là-bas. Donc nous aussi on s'en va le payer Jara. Donc si vous n'avez pas regardé ça, vous dites non. Nous, on n'est pas d'accord avec toute la terre là. Allah, il a béni toute la terre. La terre là, c'est une mosquée pour nous tous. D'accord, je vais te répondre juste une petite pause. Ouais, ça c'est du groupe Rayhan là. En tout cas, mashallah, c'est pas mal. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ça, j'ai bien aimé ce qu'on dit, qu'on est dans la fièvre du Hajj et tout ça. Bon, écoutez, je vous dis, malade amour, l'islam là, ce n'est pas ce que je pense. Tu sais, Sayyidina Ali, karamallahu wajha, a dit un jour que le professeur Assalam a dit, quand on fait les ablutions, de passer la main sur les chaussons ou les chaussettes qu'on porte. Mais en temps normal, la partie qui s'est salie, c'est le bas, c'est pas là-haut. Il dit logiquement, si on devait suivre la logique là, c'est le bas qu'on devait nettoyer. Mais comme je veux dire, les normes établies par Allah ont aussi leur logique, mais on suit la logique d'Allah. Ok, ce n'est pas parce que toi tu penses que quelque chose entre dans une certaine cohérence selon toi ton approche que automatiquement tu valides ça comme une chose qui doit être appliquée. Tout ça. Non, je suis désolé, malade amour. Il y a un seul endroit, je te répète ça. Quels que soient les motifs qu'on va t'expliquer, quelles que soient les raisons que les gens vont t'évoquer, il y a un seul endroit où le hajj se fait. Al-Gadej. Malade amour. Vraiment, j'espère que toi tu ne vas pas nous fatiguer aussi comme Kabore. Non, moi je ne suis pas en train de vous fatiguer. Si tu vas chez vous, bon, même pas là pour un an. Si on dit va chez toi, c'est un jeu. Quand quelqu'un dit va chez toi, c'est un jeu. Bâti-toi. Oui, il faut aller chez toi. Moi je ne comprends pas. Si vous me donnez mal argent là, moi je vais partir, il n'y a pas de problème. Kabore, il faut donner son argent à Bâti. Ça, tu étais venu là, écoute, il m'a faut qu'il n'aura pas fallu d'arrêter. Il a dit qu'il est venu demander pardon à moi pour qu'il le pardonne, pour qu'il parte à la Mecque. Parce qu'il veut que son hajj, Allah n'a qu'à exaucer ça. Ok. Walinissara, Mbiyafa. C'est combien? 23 000, c'est ça? Il y a 3 000 prano. Mais l'argent qui était avec toi avant là. C'est dit 23 000. Oui, 23 000. Et puis je te pardonne. Et puis moi là, ça va. Jamais. Hein? Il ne peut jamais te dédommager. Parce que tu m'as fait connaître trop de tort. Je dis, le hajj, comment est-ce? Bogota, si tu m'as divorcé là, c'est pas typique quoi. Si vous avez quoi? Si tu m'as divorcé là, c'est pas typique. Si tu es dédommagé? Oui. Il dit, si elle crée de quelqu'un de payer, mais crée de Kaboula, je n'ai jamais payé. Mais tu n'as pas brûlé que sur ton prix. Quand on a un patati, tu as bien un cafoulou. C'est moi, c'est parce que Kaboula n'est pas mon frère. Je lui ai demandé pardon, si fatigué. Maintenant, si tu veux, tu acceptes mon pardon, si tu veux pardon. Mais moi, je ne paye pas ton crédit, jamais. Voilà. Mais tu vois, c'est ça qui est votre problème aussi là. Mais tu ne payes pas l'argent, allez, tu bois. Ça là, à quoi le copain? Comment à quoi tu bois? Malin, faut le prendre. Mais c'est une épreuve, hein. El Hadji Boukta. Ça là aussi, ça veut dire qu'il y a problème. C'est une épreuve, hein. Ça vaut. Bon, j'ai dit, il y a pas l'engagement. Oui. Dieu m'est témoin. L'argent là. Oui. Tu vas pas payer, non. Mais ça là aussi, ça veut dire qu'il y a problème. Il est là, il y a pas mal d'aller au logopé. Donnez-moi que le sort là. Ama y a pas mal d'aller ni. Ama soit là. C'est qu'il y a problème. Tu dois pas partir au mec. Parce que ni t'as là, à la tina son cas, y a t'élimine. Parce qu'il faut que lui l'accepte, toi y a pas d'aller, car tu aurais évité. Il a fait quoi? Mais il a fait quelque chose. Il a fait quoi? Il y a mal argent avec et lui. Et quand toi, il dit faut dans payer. Quoi? Non, il a dit la faute, il a faute là. On t'a dit, on t'a quoi l'a dit? Mon dîner, on a quoi l'a dit? On t'a tourné, 80 000 on a cabonné, ah l'a dit. Et puis, si il fait les 23 000 là, oui, c'est fini. Ah, c'est fini. Ah, mais ça, mais moi, j'étais pas au courant de ça. Toi, tu es une fois verté à la Mecque, non? Oui. Attends là. Savouré n'est pas encore verté. Mata. Et puis, tu s'en bats encore. Wow. J'ai dit, il y a une question. Hein. Oui. Donc, vous voulez que moi, j'ai qu'à aller travailler, prendre mon agent, venir me faire battre à la Mecque. Lui, il est qui? Non, c'est pas du tout. Mais moi, il dit, mal à la Bougna. Alors, qu'est-ce qu'il est qui là? C'est une épreuve. N'a pas mal à dire, mal à la Bougna. Après, naturellement, il va attaquer les gens ici. Attends, moi aussi, Bougna. Moi, ça m'a connu de ça. La dernière fois, j'ai remarqué quelque chose, hein. C'est-à-dire que pendant la période du Hajj, la devanture de la de, quoi, ça, de la, la mosquée, la rivière gauche, la, hein. La, voilà, mais il y a du monde, oui. Y a du monde. Et vraiment, les riverains, franchement, moi j'ai frappé tant que vous étiez là-bas, le fort habillé là, j'ai arrivé, il m'a fouté, il dit hey, faut pas m'a fouté là. Moi je t'aime pas à voir quelqu'un de ardieux. Quand j'ai il m'a fouté, j'ai regardé, j'ai soulevé ma boubou là, les marches là, j'ai montré ce que j'ai attesté mon main là. J'ai dit regarde ça là, même lion, j'ai tiré lui, j'ai dépiété pour enlever son faux là, j'ai payé habit pour forter, faut m'a regarder bien ma vie. A quoi non ne veut me cabo à l'aignapé. Aka marpani takada kenati yidi itala tome mgubama kaji ergar tala tamperi ya lot ki akite dire la ba idi chep ila atran de prele kwa la ba idi kwa ha idi chep che lot la ila vele ila vele wala idi chep ipe kwa la ba kaji ergar de son pigi la yidi ipe koma jete atran de prete la ba akami ne kon kanado dite iba se voilà lot la ja ibandier lui ya lot ki abini ka le ta champe ja poter lui ja jeter lui là bas ja ibanier 5 maintenant les autres là maintenant ils ont arrêté, ils ont ouvert sa gueule en train de me regarder. C'est pas normal. Omar, c'est normal que Non, je voulais dire simplement, hein, c'est lui pour accompagner un pèlerin, une seule personne peut l'accompagner. Parce que les gens qui habitent là, on n'est pas obligé, parce que il a ceci, ils habitent. C'est là qu'ils gardent les voitures, mais on vient, on coupe la route. Le coin devient marché, du matin au soir, ça crie partout, on peut pas circuler, mais c'est pas normal. Mais le bagage qui est dans ton mail, le ferré, il doit partir avec il a. Lui, il paye comment? Il faut beaucoup de personnes. Bon, il a au moins 5, 9, 8 valises, 10 valises. Il va payer comment? Est-ce qu'il a oublié de passer les valises à la mec? Voilà, mais malade de vous. Non, mais attends, tu vas aller, tu vas aller avec 10 valises pour faire quoi? Tu vas aller faire commerce là-bas? Mais moi, tu sais pas. Tu vas aller faire commerce? Ah bon, maintenant là aussi, c'est ton problème. Attends. Ça, c'est ton problème. Parce que les consignes ont été données. Oui, bien sûr. Il y a un sac qui va être remis aux pèlerins. OK? Et arrivé là-bas, en Terre Sainte, on vous donne deux valises. On vous donne deux valises. Mais tu vas aller, il y en a qui vont même vouloir vider, c'est-à-dire ils refont même leur garde-robe, le double de ce qu'ils avaient ici. Alors donc ils font toutes les... Mais c'est pour prier, tu arrives là-bas, tu n'as même pas le temps même de te consacrer à quoi que ce soit. Parce que les gens disent, excusez-moi... Les Français, ils disent, quand l'opportunité est effrayante à toi là, il faut profiter. Ça veut dire quoi? Moi, voilà un ferré qui s'en bat. J'ai profité en même temps tous les balises là. J'ai mis quand dedans, avec un peu de garba. Là, ceux qui vont arriver là-bas, là, ils vont pouvoir vendre ça un peu, pas n'importe quel cadeau, ni zéro. Vous, il ne faut pas voir, pourquoi, pas compliquer les choses comme ça. Vous voyez commerce partout. Je ne sais pas. Tu as mis quelqu'un dans la valise là? Oui, j'ai mis quelqu'un dans la valise. Moi, je l'ai dit. Franchement, je pense que ceux qui vont entendre ce message là, on a qu'à faire l'effort. C'est-à-dire qu'on va à la Mecque, on ne va pas pour déranger les gens. La devanture de la radio là, on peut le libérer. C'est-à-dire tu viens accompagner ton pèlerin, il rentre dans la cour et puis vous partez. Et puis maintenant le reste là, les encadreurs, le commissaire va se charger de les avoir à l'aéroport. Mais on va rester là toute la journée. Ça va devenir un marché. Regarde, sinon c'est les parents viennent. Oui. Le pèlerin entre, ils n'ont plus de contact avec lui. Ils n'ont plus de contact avec lui. Parce, qu'aujourd'hui, le barrage là, c'est au moins à 500 mètres. Oui. Même dans la mosquée. Donc ça veut dire que tu vas rester là, ça ne va rien résoudre. Oui. Le pèlerin ne sortira pas pour te dire ah, si ou ça. Mais une fois que tu l'as laissé là-bas, rentre. Rentre. Et tu vas voir que les gens vont venir bloquer la circulation. Ouais, là, vraiment, il faut qu'on apprenne à se discipliner quand même. On va dire aux gens aussi de faire très attention. Le monde qui arrive là, il y a des voleurs, il y a des badauds, il y a des pickpockets, il y a tout dedans. Donc quand vous venez comme ça, remplir le coin, on va venir vous voler. Les gars ne savent ni lire ni écrire. Faites-les rentrer tranquillement. Mais vous allez rester là. On va voler. On a perdu mon portable. On a volé mon portefeuille. On a volé ceci. Mais c'est parce qu'il y a du monde inutile. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Avec Orange Money, votre inscription dans les lycées et collèges devient encore plus facile. Lycéens et collégiens, inscrivez-vous sans vous déplacer en composant depuis votre mobile le dièse 144 étoile 13 dièse. C'est simple, c'est rapide et sûr. Orange. Il y a du monde inutile. Non, moi je pense que ceux qui vont aller accompagner les pèlerins... Mais au-delà de tout ça, Mokhtar, un autre conseil important aux pèlerins. On le dit tout le temps, le Hajj, c'est pas un voyage touristique. Même si... il y a un intérêt touristique dedans. Le Hajj, c'est un voyage purement spirituel. Vous voyez, ce n'est pas fortuit lorsque on se met dans sa tenue de sacralisation, on commence à réciter la talbiya. La baik Allahumma la baik. La baik la sharika la ka la baik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika la ka. Non, ça là, la vérité, à quel niveau que tu veux. Ok. Le vik, il est où le vik? Le vik, il est shirik, il est le vik. Inna alhamda wa ni'mata la la falak al mulk. Wallahi, ça me fait le trou. Allahu akbar. Il faut que tu la baik Allahumma la baik. لا بارك الله شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لا هو الملك لا شريك لك تفا نيك الليلير كوليشي تلي كي نبقى كيب أبا جادا أبا جادا pour كوني لألفاري إبا يابا pour نو سنية مني أما بو عربو كان يرفي عربو يربا il est asseoir il écoute là il sait pas que tu te parles c'est arabe on dirait Aoussaka pour moi là ou pour toi là pour toi là Mais Kabouré, même pour toi là, c'est n'importe quoi que tu as raconté ici. Ah, tout le monde est en train de dire. Je t'appelle pas de côté. Est-ce qu'il est de côté? Toi là, c'est pas correct. Est-ce que comment même tu as brûlé ça là? Les véhicules, les véhicules à tenir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça? Ah, malade, mon ticket est en train de brûler là. Tu pas comme ça, mais pour payer ça comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça? Tu m'en fous là. Il est à côté de nous deux seulement. Mouretane, il y a Imam, bismillah. C'est vrai. On fout là. Quand on fait la talbiya, je reprends. La baik, Allahumma la baik. La baik, la sharika, la kalabbaik. Inna alhamda. Wa ni'amata. Laka wal mulk. La sharika, lak. Voilà. Présent, Seigneur. Je suis présent. Présent, Seigneur. Tu n'as point d'associé. Je suis présent. En vérité, la louange, la grâce et la royauté t'appartiennent. Tu n'as point d'associé. Ça se termine par là, tu n'as point d'associé. Alors tu sais, ça là, quand on le dit, c'est une autre façon de renouveler sa foi, son engagement vis-à-vis d'Allah. Ok? Allah t'a appelé, tu as répondu à son appel. C'est ce que tu affiches. Mais tu as répondu à son appel en tant qu'homme de foi, en tant qu'homme croyant en lui et en tant que quelqu'un qui vient rechercher toutes les grâces contenues dans ce cinquième pilier de l'islam. Ok? Alors donc, c'est très important. Et voilà pourquoi la dimension de l'intention, elle est cardinale. Et il faut comprendre que le hajj, quand on s'y engage, quand on décide d'aller au hajj, en réalité, on prend la décision de changer de vie. Laisse-moi terminer. Parce que mon cœur, c'est un tolo. Voilà. Je porte des lunettes, mais c'est même que je ne vois pas. Tu vois rien. Tu vois pas. Kabouré, je suis en train de donner des explications. Toi, quel problème? Kabouré. Nous, comme on a dit, je parle de quoi? Faut m'appeler chien. Bon, on va pas t'appeler chien. On va te faire sortir d'ici. Parce que on va pas te dire chien. On va te faire sortir d'ici. Il est royal, je connais. Ivan, il y a longtemps, en tout cas, ça c'est vrai. Wallahi. Ça c'est vrai. Donc, cependant, là, il est fondamental. Donc, il faut pouvoir le retenir. Inch'Allah. Et puis vraiment se gérer avec et mener l'espace, se comporter, tout ça. Et prendre vraiment la résolution désormais d'être dans la droite ligne de ce que Allah a indiqué. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller demander pardon à Allah alors que tu as dans la tête le projet encore de lui désobéir. Tu n'as pas encore rompu avec tes vieilles habitudes. Tes vieilles habitudes. Au-delà de ça, il faut apprendre. Il faut apprendre. Et si tu ne te formes pas, mais le hajj, je le dis tout le temps, hein, tu vas le vivre sur le côté. Allah dit, arifouni qabla an ta'abudouni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Ok? Wa illam ta'arifouni fa kayfa ta'abudouni. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Donc, tout est lié à la connaissance. Parce que rien ne se fait selon nos idées, selon sa propre compréhension, selon nos intuitions, mais tout se fait selon ce que Allah a établi comme norme. Ça, il faut déjà le comprendre par rapport au fait qu'on part. Le hajj, c'est une grande épreuve. C'est une très grande épreuve. Il faut être patient, il faut être endurant, parce que vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous allez partager la même chambre. Les éducations ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ne supportent pas le froid, il y en a sans le froid, ils ne peuvent pas rester. Il y en a qui sont à l'aise dans le sommeil que quand il y a la lumière. Il y en a, quand il y a la lumière, vraiment, ça les fatigue, etc., etc. Mais on allait se faire pardonner. On va pour se faire pardonner. Et il faut se mettre dans la posture n'est-ce pas, du pardon, en étant soi-même pardonneur vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis des organisateurs aussi. Et donc ça, on prie Allah en tout cas de faciliter, Mokhtar. Et puis, tu feras un bon voyage, ne nous oublie pas dans les prières. Et puis, bon, peut-être pour l'année prochaine, on va voir. On prie Allah pour que l'année prochaine, Cameroun aussi, Inch'Allah, puisse aller. Mais Cameroun, tu sais ce qui te fatigue? Nyengoya. Nyengoya Dabla, Irebaï. Faut prier pour moi. Cameroun, faut prier pour moi. Faut prier pour moi. D'accord, on va rentrer. Quelque chose. On va rentrer. Hein? Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdika. Yashhadu an la ilaha illa anta. Amin. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'Asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.